Amis humains, bonjour. Un monde sans saveur. Écoutez. La bien-pensante, cette odieuse bien-pensante, est en train de tout tuer. L'humour, la diversité d'opinions et l'envie de prendre des risques. Elle est tout simplement en train de tuer la vie de sorte que le monde devienne tel la matrice, un monde sans odeur, sans saveur, une prison pour l'esprit. Il est tout de même fascinant que des gens qui aiment parler de diversité, de tolérance n'aient aucune tolérance vers ce qui ne rentre pas dans leur moule. On a pourtant coutume de dire qu'il en faut de tout pour faire un monde, sauf que pour les élites, seule leur vision compte et aucune autre. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez exprimer vos idées aura vécu. Des personnes comme moi qui pensent que l'on combat des idées par des idées sont sans doute mal vues. J'exècre la violence et j'estime que seules les idées devraient avoir droit de cité. Oui, il y a des choses que je n'apprécie pas, que je n'aime pas, voire même que je déteste, mais je trouve logique que certaines personnes différentes de moi aient des points de vue différents. De la même manière que je n'apprécierai pas de ne voir qu'un seul type de fleurs dans le monde, je n'apprécie pas de ne voir qu'un seul type d'opinion. D'ailleurs, parfois je suis tellement ouvert que certains trouvent ça agaçant. Eh bien, c'est parce que j'estime ne pas avoir raison sur beaucoup de choses et je préfère me nourrir des opinions des autres pour enrichir mes pensées. Apprendre, apprendre et encore apprendre pour être moins con et borné. Et j'ai toujours dit, je préfère que les gens s'expriment librement et en confiance pour qu'au moins nous ayons une idée de ce qui peut leur passer par l'esprit. Plus les gens s'expriment, plus ils se découvrent, et plus nous les découvrons. Mais obliger les gens à se taire et ils rumineront des pensées parfois nauséabondes jusqu'à l'explosion. Et puis franchement, pense-t-on que l'on puisse empêcher les gens de penser ? Pense-t-on que l'on puisse les empêcher de rêver ? Seuls les esprits limités peuvent penser qu'ils peuvent empêcher l'esprit de penser et de vouloir s'exprimer. On ne réprime pas l'intelligence, mais on cherche à la laisser s'exprimer, positivement. J'ai vu des jeunes informaticiens intelligents qui n'ont pas de boulot chez nous et qui à présent utilisent leur intelligence pour arnaquer les gens. Mais d'un certain point de vue, je comprends les élites qui ont peur de perdre le contrôle. Quand des gens ont été habitués à penser librement, eh bien ils pensent librement. Cette libre pensée effraie les élites, surtout que nous sommes dans une période de crise particulièrement difficile et que les choses n'iront pas en s'améliorant. Alors les élites commencent à supprimer tout ce qui n'est pas conforme, y compris les guignols, dont la nouvelle version est sans saveur, les humoristes et les penseurs, poil à gratter. Ensuite, ils essaient de formater les mômes depuis le berceau, afin que ceux-ci soient des citoyens soumis, dociles et manipulables à souhait. Sauf que si l'esprit humain pouvait être contrôlé ad vitam aeternam, ça se saurait. Mais gageons que les élites à l'esprit étroit essaieront de tout contrôler. En disant que l'homme livré à lui-même, ce sont des guerres et des nuisances en tout genre. Ils feront croire, comme ils l'ont montré dans de nombreux films, comme Equilibrium par exemple, que la liberté mène aux guerres, à la violence, à la passion, etc. Il faudra donc sévèrement encadrer cette liberté de sorte que l'humain vive en paix. Et pendant que l'humain sera sévèrement contrôlé, les élites elles s'adonneront à toutes sortes de plaisirs, car les limites ne les concernent pas. Après tout, les limites, c'est pour les sans-dents que nous sommes. Pourtant les élites au travers des films montrent que l'humain est un rebelle qui voudra toujours sa liberté et ce, à tout prix. Les mercaticiens savent que tous les humains n'ont pas les mêmes goûts et désirs et donc il faut segmenter le marché. Sans doute les élites feront cela et essaieront de contrôler les leaders d'opinion. ces personnes charismatiques, excellents orateurs et capables de fédérer les foules. Au pire des cas, si ces gens refusent de se soumettre, ils seront tués. Et des leaders charismatiques au service des puissants, il y en a, il suffit d'en chercher. Des personnes qui ont l'apparence de rebelles mais qui au final ne sont là que pour contrôler les divergents. Le discours du Mérovingien dans Matrix montre à quel point certains rebelles sont inconséquents et manipulés. Le discours de l'architecte à la fin de Matrix Reloaded montre cela aussi. De toute façon, l'ignorance mène à la catastrophe. Il est clair que certaines personnes refuseront le discours dominant et qu'il faut savoir comment les canaliser. Le concept d'opposition contrôlée prend alors tout son sens. Le but final des élites est l'intégrité et la survie de leur système de domination, peu importe les morts, les désastres et autres abominations que cela va entraîner. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'ils sont menacés. Je croirai un peu cela le jour où je verrai les têtes de personnes comme Bush père et fils, Hillary Clinton, Dick Cheney et tant d'autres sur des pics. Mais cela ne risque pas d'arriver? Parce qu'ils ont des armées de marcheurs aux pas et autres idiots utiles prêts à crever pour eux directement ou indirectement. Quant aux enfants, grâce à la destruction des familles et des communautés, ils sont manipulables à souhait. Certains petits États-Unis ne savent même pas qui sont des gens comme Barack Obama, mais par contre connaissent les Beyoncé, les marques comme KFC, McDonald's, etc. Il me semble donc clair que les élites ont tous les outils pour maintenir leur contrôle d'une manière ou d'une autre sur la majorité des gens. Quant aux rebelles, ils peuvent être repérés et traités. Cependant, je garde encore espoir. Je pense que le contrôle absolu n'existe pas et n'existera jamais. Je ne nie pas que les élites essaieront de toutes leurs forces d'y arriver, mais je crois qu'il y aura toujours des emmerdeurs qui bloqueront la machine. L'humain n'est pas omniscient et les élites, malgré leurs connaissances et leurs capacités, sont avant tout humains, donc faillibles et imparfaits. Elles essaient actuellement, par la peur du terrorisme, de contrôler les masses et les amener à accepter des mesures démentes. Mais l'homme sensé sait qu'en vérité, en Occident par exemple, le terrorisme tue très peu de personnes et que la vraie menace pour les gens, ce sont des politiques inhumaines des gouvernants. Seuls les plus niais pensent que plus de guerre contre le terrorisme, alors que la guerre dure soi-disant depuis des années et qu'en France les plans Vigipirate se succèdent sans efficacité réelle apparemment, va tuer le terrorisme quand dans les faits il s'étend et s'enhardit. En vérité, il est logique de penser que ce n'est qu'un outil de contrôle du système dont les élites se servent pour terroriser les masses effrayées par des morts violentes. Les élites pensent donc que beaucoup vont accepter de renoncer totalement à la liberté pour plus de sécurité. Qu'ils vont accepter un monde entièrement aseptisé et sous contrôle avec puces sous-cutanées, caméras de surveillance partout, tout puissance de l'État, OGM, GPA, etc. Et si la menace terroriste ne suffit pas, ils en trouveront une autre, sûrement. Pas de doute en ce qui me concerne que nous sommes à la croisée des chemins. Le monde inhumain voulu par les élites prend forme et il faudrait être aveugle pour ne pas le percevoir. Où les gens continueront à fuir la vérité et à rechercher un monde rassurant, où ils accepteront d'affronter la vérité avec tous les risques que ça comporte. Mais la liberté a un coût et un prix. Moi, j'ai choisi la pilule rouge depuis belle lurette, même si je ne m'arrête jamais, car j'estime que toute notre vie on ne devrait jamais cesser d'apprendre et se remettre en question. On ne vit qu'une fois et je n'ai pas envie d'être une simple source d'énergie, sans avis, dans un monde sans goût et sans saveur. Agoravox. Par le moine du côté obscur. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.